Comment dites-vous lire un livre? Regarder un livre. Littéralement, regarder livre. Gan shu. Il faut dire kan shu. Kan shu. Et comment s'appelle cette ville méditerranéenne en France, célèbre pour son festival de cinéma? Cannes. C'est la même prononciation, mais avec le ton du doigt noir pointé vers le sol. Alors, comment dites-vous le nom de cette ville, avec le doigt noir vers le sol? Cannes. Regarder la télévision ou regarder la télé se dit simplement regarder télévision, tout comme on dit regarder livre. Donc on dira... Cannes. Kan, doigt noir pointé vers le sol pour dire regarder. Kan, dian, shi. Trois doigts noirs pointés vers le sol pour dire regarder la télévision. Le mot dian signifie électrique et shi signifie vision. Je vous rappelle que l'électricité est une découverte récente pour tous. D'après vous, quel est le caractère que les Chinois utilisent pour représenter l'électricité? C'est un caractère ancien, le caractère pour la foudre. Donc on va dire « regardez la vision électrique ». Littéralement, « regardez électrique vision ». Ou si vous préférez, « regardez foudre vision ». Elle regardait le festival de Cannes à la télévision quand la foudre est tombée. Comment dites-vous il regarde la télévision? Il. Ta. Regardait télévision. Kan dian shi. Il regarde la télévision. Ta kan dian shi. Et maintenant, dites. Mon ami est occupé maintenant. Traduisez d'abord mon ami. 我的朋友 maintenant 现在 le mot vide suivi du mot occupé 很忙 mon ami est occupé maintenant. 我的朋友现在 Alors dites-moi, il regarde la télévision, il est en train de regarder la télévision, il Ta. En train de Zai. Regarder télévision. Dian shi. Ça, c'est le mot pour télévision. Et comment dites-vous regarder? Kan. Et maintenant regardez la télévision sans traduire là. Kan, dian shi. Revenons en arrière et revoyons cette phrase encore une fois. Il est en train de regarder la télévision. Il en train de regarder télévision. Alors commençons par il. Ta. En train de. Zai. Regarder. Kan. Télévision. Dian shi. Il est en train de regarder la télévision. Ta zai kan dian shi. Comment dites-vous? Mon ami lit un livre maintenant. Mon ami est en train de lire un livre maintenant. Mon ami. Alors, mon. Wo de. Ami. Peng yo. Maintenant. 现在 en train de 在 lire un livre, regarder livre 看书 mon ami lit un livre maintenant 我的朋友现在在看书 comment direz-vous mon professeur et moi voudrions tous deux regarder la télévision, mais nous ne pouvons pas regarder la télévision maintenant. Alors dites d'abord mon professeur. 我的, professeur. 老师. Et. 和. Je. 我 tous deux 都 vouloir, avoir envie de 想 regarder télévision 看电视 mais 可是 nous 我们 maintenant 现在 ne pas pouvoir 不能 regarder télévision 看电视 mon professeur et moi voudrions tous deux regarder la télévision mais nous ne pouvons pas regarder la télévision maintenant 我的老师和我都想看电视可是我们现在不能看电视。 Comment direz-vous, mon ami ne lit pas de livre maintenant, ou plus précisément, mon ami n'est pas en train de lire un livre maintenant. Alors traduisez d'abord mon ami. 我的 Oui, ça c'est mon. Et ami? 朋友 maintenant 现在 pas en train de 不在 lire un livre, regarder livre 看书 mon ami ne lit pas de livre maintenant 我的朋友现在不再看书。